Verbe de déplacement à l'impératif présent. Part 1. Vous prenez la première roue à droite. Prenez la première roue à droite. Prendre la première roue à droite. Part 2. Monter. Monte. Montons, montez. Suivre, suis, suivons, suivez. Sortir, sort, sortons, sortez. Prendre, prend, prenons, prenez. Aller, va, allons, allez. Example sentence. Allez au bout du corridor et prenez l'escalier. Prenons l'escalier.